Citation de William Butler Yeats, 1865-1939. Éduquer ne signifie pas simplement remplir un vase, mais plutôt allumer un feu. Celle d'Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944. Être un homme est, pour être précis, être responsable. Cela veut dire sentir, lorsqu'on vit sa vie, le fait qu'on a participé à construire le monde. Citation des écrits Bahaï. Considérez l'homme comme une mine riche en pierres précieuses d'une valeur inestimable. L'éducation peut à elle seule l'amener à lui faire livrer ses trésors et permettre à l'humanité d'en profiter. La formation dans les domaines des mœurs et de la bonne conduite est beaucoup plus importante que l'acquisition du savoir. Un enfant propre et net, d'aspect avenant, au bon caractère et bien élevé, même s'il est ignorant, est préférable à un enfant grossier, malpropre, au mauvais caractère, et pourtant déjà profondément versé dans les arts et les sciences. Cela s'explique par le fait que l'enfant qui a une bonne conduite, même s'il est ignorant, est utile à ses semblables, alors qu'un enfant au mauvais caractère est mal élevé et corrompu, et peut nuire à autrui même s'il a un très grand savoir. Si toutefois l'enfant est formé à se montrer à la fois instruit et bien élevé, de lumineux accomplissements résulteront.